Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. C'est samedi, c'est la seule entrevue qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de la NFL avec notre ami Marc Diquet de Radio X. Il n'y a pas eu de chronique la semaine passée parce que Marc était porte-parole. Salut Marc! Salut, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Hey Marc, avant de commencer, je veux te transmettre des félicitations d'un auditeur de Radio X qui écoute Richard Martel régulièrement. Richard, ben, il dit il est meilleur que tout ce qu'on entend à la radio. Puis je sais pas comment c'est, mais ça doit être ça. Ça a dû être toi qui l'as approché. Donc, j'ai des félicitations de faire parce qu'à un moment donné, il faut avoir du flair aussi pour les. Lui serait bon comme collaborateur, lui serait bon. Fait que je sais pas ce qu'il l'a approché auprès de Radio X, mais vous avez eu du flair là-dessus. Ben, écoute, Richard Martel, c'est quelqu'un qui est excessivement charismatique. Ouais. Fait que tu sais, c'était pas un gros risque. Là. C'était de le convaincre, mais tu sais, Richard Martel, c'est vraiment quelqu'un qui est charismatique. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans l'hockey. Tu sais, qu'on l'aime ou pas, là. Je pense que ce gars-là a un palmarès quand même qui parle de lui-même. Puis non, c'est un gars qui dit son opinion, puis c'est excessivement. Je vais te dire, je me considère chanceux là, d'avoir accès à Richard Martel puis de parler comme ça régulièrement. Je me considère vraiment chanceux. Là. Ben moi, je peux te dire en fait, j'ai une chronique de la Ligue nord-américaine avec Gilles Péloquin. Puis il m'a dit, off the record, mais je peux le dire en nom parce que c'est pas négatif du tout. Là. Il a dit, depuis que Richard Martel a fait plus en 2 mois pour la Ligue nord-américaine que Michel Godin en 10 ans. Ouais, ben il y a des choses qui s'expliquent là-dedans, par exemple. Ouais. Richard Martel est payé pour faire ça à plein temps. Tandis que Godin n'a jamais été, il a jamais été là à plein temps. Ouais, mais il y a un aura autour de Richard Martel. Il y a un aura autour de Richard Martel. Ben, oui, puis tu sais, je lui ai parlé récemment, j'ai dit, tu trouves ça plate, une conversation téléphonique, j'ai dit, tu trouves ça dans maudit, puis coaché, puis ah non, j'aime ça. Non. Il me compte des affaires, puis il a vraiment l'air à triper. Fait que tu sais, quelqu'un qui est dans sa job, qui a du fun, ben les résultats vont paraître, là, tu sais. Ouais, effectivement. Marc, on va, ça pour finir pour les chroniqueurs et ainsi de suite, moi j'en ai deux ici, là. Ben, Stéphane Labour, on le voit un peu RDS, mais j'ai Marc Fortier, que personne ne connaît. À part moi qui l'a découvert, puis qui Marc fait des séances, mes plus grands collaborateurs, puis c'est pour tout le monde, puis ses analyses sont toujours pertinentes. Il a joué à game, il sait de, puis s'exprime bien, son ton à la radio est bon. C'est pas nécessairement ceux-là qu'on voit à RDS ou à TVA Sports qui sont les meilleurs nécessairement. Ben Marc Fortier aurait probablement de la misère à la TVA Sports ou à RDS de faire sa job avec les remparts présentement. Ouais. Mais non, Marc Fortier, effectivement. Pis c'est en plus, c'est vrai qu'il a un ton de voix excellent puis qu'il connaît son hockey en tabarouette. Ouais. Mais Marc Fortier, là, tous ceux qui l'ont côtoyé, là, c'est un maudit bon gars. C'est un gentleman. Puis écoute, on peut lui souhaiter justement à Marc Fortier peut-être un jour. S'il veut. Moi, je pense qu'il est heureux présentement avec les remparts. Mais s'il veut s'investir là-dedans un jour, pourquoi pas? Ouais. Hey Marc, on va y aller avec la NFL. Je veux te demander d'abord la suspension d'Ezekiel Elliott. La saga Ezekiel Elliott, t'en penses quoi? Ah, ça n'a pas de sens, ça, Danny. Là, présentement, on veut aller à la 5e cour d'appel. Ça n'a pas de bon sens. C'est un gaffouillage pour toute la ligue au complet. Ça fait un peu l'histoire de Tom Brady. Ça fait penser un peu à l'histoire de Tom Brady il y a quelques années. Ah, c'est pire. C'est pire. Là, c'est rendu qu'on va aller. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller avec ça. Imaginez une chose. On ne connaît pas les montants. Ouais. Mais imaginez l'argent impliqué là-dedans, comment que ça doit être épouvantable. Ouais. Puis, tu sais, la NFL a l'air folle. Puis, si Ezekiel Elliott se fait suspendre quand même à la fin de l'année. Là, c'est les Cowboys qui vont avoir l'air fous. Tu veux du perdre Elliott pour. Puis la NFL ne lâchera pas. Là. Si c'est pas cette année, ça va être l'an prochain. Là. Fait que c'est un cafouillage épouvantable. C'est un œil au beurre noir terrible pour la Ligue. Ça n'a aucun sens. C'était surtout pour les. On rappelle les faits, c'est pour une histoire de violence conjugale. Puis à quelque part, est-ce que la NFL veut tenir. Parce que la NFL a eu quand même, au cours des dernières années, plusieurs cas de violence conjugale, plusieurs histoires de hors terrain assez bizarres. Est-ce qu'on veut en faire un exemple dans le cas des écoles Elliott? Ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'accusation. Ouais. Puis je veux pas défendre le gars. Moi, c'est une affaire qui me pue au nez, là, c'est la violence conjugale. Ouais. Mais c'est... Le gars n'a pas eu d'accusation. Il n'y a pas de preuve concrète. Ouais. OK, on s'entend, il n'y a pas de fumée sans feu. Là. Mais, tu sais, la NFL, d'habitude, on sévit quand il y a des preuves concrètes, quand il y a des enquêtes, des choses comme ça. Ouais. Là, il n'y a rien. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Puis loin de moi de défendre Ezekiel Elliott, je suis pas un fan des Cowboys. Mais. Ça se défend peut-être son histoire dans un sens, là. Je dis pas qu'il est pas coupable, mais ça se défend peut-être vu qu'il n'y a pas de preuves. Quand il y a des preuves, quand quelqu'un a fait une niaiserie, puis les polices sont arrivés, comme ça a été le cas de Pac-Man Jones de Cincinnati cette année, comme ça a été le cas de, je me souviens, une couple d'années, le joueur des Giants, dont j'oublie le nom, qui s'était tiré dans, accidentellement, semble-t-il, tiré d'une jambe d'un club de nuit. Là, c'est normal. Là, c'est ça, c'est correct. Mais à ce point de vue-là, je ne sais pas. Ouais. On a peut-être abusé un peu, je ne sais pas. Adrian Peterson, 32 ans, a été échangé cette semaine. Moi, un porteur de ballon, c'est comme un gars de 70 ou 80 ans. C'est à peu près. Là. Passer 30 ans, c'est pas mal. Le meilleur est pas mal tiré de lui. Hein. Je pense que... Tu l'as dit. Ouais. Tu l'as dit, Danny, c'est très, très, très rare. Même à 29, là, 30, on voit des gars qui... Tu sais, souvent, on voit des porteurs de ballon qui ont une bonne saison recrue. Deuxième, un peu plus difficile, puis troisième, c'est salutations à Trent Richardson. Oui. Donc, tu sais, c'est pas évident, c'est pas une job qui est évidente. Puis, je pense que du côté des Cards qui sont allés chercher, c'est un geste de, pas de panique, mais c'est, gars, on prend ce qui reste. On va prendre une chance avec. Puis, le jeu au sol en a besoin, avec la blessure de David Johnson, c'est clair que tu en as besoin. Mais, je sais pas si ça va paraître tant que ça. Moi, j'ai pas de très hautes attentes avec Adrian Peterson. Surtout que les Cards de l'Arizona ont une ligne à l'attaque vraiment, c'est difficile du côté de la ligne à l'attaque. Tu sais très bien que, Marc, la ligne à l'attaque, c'est souvent eux qui ouvrent les brèches pour le porteur de ballon. Donc, si ta ligne à l'attaque va pas bien, ben, c'est tout le reste qui va en découdre. Hey, Marc, tes matchs de la semaine. Moi, j'en ai deux, trois. Pittsburgh, Kansas City, j'ai hâte de voir. Hey, moi, j'avais favorisé les Steelers pour aller au Super Bowl contre Seattle. Ça va pas bien. Big Ben s'est fait intercepter plusieurs fois. L'attaque également. Antonio Brown est pas de bonne humeur. Le'Veon Bell également. Donc, c'est pas facile du côté des Steelers. Ils vont affronter une équipe qui s'appelle Kansas City, qui ont Kareem Hunt comme porteur de ballon. Et on sait que la semaine passée, comment Leonard Fournette a démoli la défensive des Steelers. Ça va être difficile encore une fois pour les Steelers. Effectivement, la semaine passée, ce qui m'a jeté à terre, c'est les 5 interceptions de Ben Roethlisberger. Puis tu sais, moi, c'est pas une cachette, là, j'étais un fan des Bengals, fait que l'équipe que je déteste le plus, c'est les Steelers. Mais c'est pas normal. Tu sais, ça m'a fait un petit plaisir. Mais c'est pas normal que les Steelers soient poches de même, là. C'est pas normal. Il y a beaucoup plus de talent que ça sur ce terrain-là. Est-ce qu'il y a un malaise présentement dans l'organisation? Ben là, Brown n'est pas de bonne humeur, Antonio Brown. Big Ben est rendu un certain heure. Comment ça vient? On sent de plus en plus que c'est pas le Big Ben. Non, je pense bien que les Steelers ça va être difficile cette année. Parce que contre les Chiefs, honnêtement, à Kansas City, je vois pas comment les Steelers. Ouais. Par contre, si les Steelers remportent ce match-là, ça en bon anglais, c'est un statement. Là. C'est un statement. Si les Steelers remportent ce match-là, là, on passe sur des bases solides. Mais je ne penserais pas qu'on gagne ce match-là, effectivement, du côté des Steelers. Mais effectivement, Danny, tu fais bien de soumis. Ce sera un match très, très, très intéressant sur le. Est-ce que Mike Tomlin a fait son temps? Ça fait longtemps qu'il est là, lui. La question va se poser, c'est s'il n'amène pas les Steelers loin, là, parce qu'il fait longtemps qu'il est là. Puis tu me dis, il se passe des choses bizarres à Pittsburgh aussi, peut-être. Ouais. Tu sais, Mike Tomlin, de l'autre côté, il y a quoi? Il n'y a pas deux conquêtes du Super Bowl? Ouais. Hey, moi, quand un coach gagne le Super Bowl, honnêtement, j'aurais tendance à être très, très, très patient avec. Là. Ça se pourrait, c'est un point d'interrogation, mais tu sais, suis-tu le responsable? Je ne sais pas. Puisque défensivement, les Steelers, c'est pas le grand rideau d'acier que ça a déjà été. Là, non, c'est hâte de voir. L'autre match qui m'intrigue, c'est un match intriguant, c'est les Jaguars de Jacksonville contre les Rams de Saint-Louis. Pas les Rams de Saint-Louis, les Rams de Los Angeles. Les Jaguars de Alexandre Gauthier. Hey, la dernière fois que les Jaguars avaient 3 victoires, 2 défaites, je l'ai dit à Alexandre, l'essence était à 90 sous. Jean Chrétien était le premier ministre du Canada. Alors, je fais des blagues. Mais, mais les Jaguars sont surprenants. Une défensive incroyable. Leonard Fournette comme porteur de ballon. Et tiens, on complique pas les choses pour Blake Bortles. Non, mais sauf que les Jaguars ont eu l'avantage cette saison de surprendre des clubs. Leur victoire qui a surpris du monde, je me souviens, en Angleterre contre les Ravens, on a fait quoi? Mais je suppose que les Jaguars sont rendus à un stade si élevé que ça. Tu sais, Blake Bortles, ça reste Blake Bortles, tu sais. Fait que j'ai pas. Puis de l'autre côté, les Rams, moi je suis surpris. Tu sais, ceux qui qualifiaient Jared Goff de flop. Non. Attention, là. Ben là honnêtement, je pense qu'on aurait peut-être dû prendre Carson Wentz, là. Mais tu sais, non, là, ce gars-là, il prouve des choses cette année. Puis t'as raison, c'est un match intriguant. Le match aura lieu à Jacksonville en plus. Mais c'est le genre de match que j'oserais pas mettre un 5$ dessus, là. Honnêtement, peut aller d'un côté comme de l'autre, mais les Jaguars sont capables de gagner ce match-là, c'est sûr et certain. Il y a un autre match qui t'intrigue. Il y a aussi les Rams, les Raiders d'Oakland qui doivent gagner demain, là, aussi, parce que c'est une division, probablement la division la plus forte de toute la NFL. Derek Carr est censé revenir. Par contre, on a de la misère à mettre une attaque au sol avec Marshall Lynch. Moi, Marshall Lynch, j'ai parti à rire. Quand on parlait des porteurs de ballon de passer 30 ans. Là. Quelle farce! Il aurait été mieux de rester avec les Denius Murray tant que ça. Là, passer 30 ans, ça fait un an que tu n'as pas joué. Là. Fait que, non, mais c'est sûr. C'est... En plus, une année hors des lignes. Ouais. Fait que, je veux dire, ça... Tu n'es pas en game shape pendant ce temps-là. Tu as bien beau t'entraîner. Là, y a pas de, tu ne vis pas l'intensité d'une pratique de la NFL. Là, loin de non, là. Non. Fait que... Ouais. Ça prend une victoire du côté des Raiders, absolument. Ben, avec Derek Carr, je pense que tout est possible. Surtout le match est à Oakland. Ouais. Donc, avec le retour de Derek Carr, je pense que les Raiders sont capables de gagner ce match-là. Dans l'après-midi, il y a le match entre les Pax et les Vikings, qui quand même... Tu sais, une rivalité entre ces deux clubs-là, veut pas. Je pense que les Packers... quel match la semaine passée contre les Cowboys. Écoute, c'était la reprise du match. Tu sais, la conférence nationale, la demi-finale de la conférence nationale l'année passée, tu te rappelles du match, c'était à peu près la même affaire. Là. C'était tout un match. Là. Ça a été incroyable comme match. Puis les Vikings au Minnesota, faut pas les sous-estimer quand même. Ils ont une bonne défensive. Est-ce que les Vikings peuvent gagner ce match-là? Je ne pense pas. Ça risque d'être un match très... Tu sais, des matchs de rivalité, là. Peu importe si il y a une équipe qui est moins forte que l'autre, souvent, les émotions prennent le dessus sur le talent, puis ça peut paraître. Oui, effectivement. Marc, on s'en reparle le samedi prochain pour la chronique de la NFL. Au plaisir. Notre collaborateur de la NFL, Marc Diquet.